J'ai quitté les ateliers pour les salons, là où les hiérarchies économiques s'effacent parfois et où la richesse ne suffit plus à ouvrir les portes. Nous avions pris le train pour Paris avec Weber. Il m'avait prévenu. « Birdie, après l'ordre économique vient l'ordre social. Ce n'est plus l'argent qui distingue, mais l'honneur, l'image. On n'y parle pas de capital, mais de prestige. » Paris, boulevard Saint-Germain. Je fus invité, avec Weber, chez la marquise Laure de Vinhomme, une femme au maintien royal, ruinée par un héritage qu'elle eut le malheur de vouloir faire fructifier. Certains capitaux supportent mal la modernité. Mais dans son salon, elle régnait encore. On se levait quand elle entrait, on parlait plus bas, on souriait davantage. Weber, penché vers moi, murmura « Voilà, Birdie, l'ordre social dans sa forme la plus pure, la reconnaissance sans richesse. La marquise appartient à un groupe de statuts, un ensemble d'individus unis par le même prestige, le même style de vie, le même respect, un groupe de statuts élevé, en l'occurrence. » La marquise vint vers moi et me confia à demi-voix « J'ai tout perdu, monsieur Doc, sauf le style. » Et j'ai compris que l'honneur et l'image, pour elle, valaient plus que l'or. Quelques jours plus tard, je retrouvai Benoît Delaunay, le même industriel lyonnais que j'avais connu dans les ateliers. Fortune solide, costume impeccable, discours assuré. Il siégeait à la chambre de commerce, mais dans ces salons-là, il restait un intrus. Weber nota dans son carnet « Riche, mais sans noblesse, haut placé dans l'ordre économique, beaucoup moins dans l'ordre social. » Et dans le regard distant des vieilles familles industrielles, je crus entendre cette pensée muette. « Il a de l'argent, mais il sent encore la machine. » Le prestige ici n'obéissait pas au portefeuille. Il tenait à la naissance, aux manières, aux réseaux, à ces signes invisibles qui disent « Tu es des nôtres ou tu ne l'es pas. » Plus loin, dans la chaleur de son usine, Norbert Marais essuyait ses mains noircies sur un chiffon. Autour de lui, le respect se lisait dans les yeux des apprentis. Il formait, conseillait, apaisait les disputes. Il était bienveillant et avait le verbe facile. Il n'avait ni argent ni titre, mais il incarnait une autorité double, charismatique par sa personnalité et statutaire par son rôle de maître d'apprentissage, une position qui lui conférait une légitimité reconnue. Weber m'avait expliqué. « Birdie, les groupes de statut ne se trouvent pas que dans les salons. Chaque univers social produit ses élites. Dans l'usine, Marais est un homme d'honneur, son prestige est local, mais il est réel. » Marais, pensif, songeait sans le dire, « Je ne suis pas un chef, mais on me salue. » Et il en retirait une fierté tranquille. Mais une fois franchi le portail de la fabrique, le monde reprenait ses habitudes dans la rue. Norbert redevenait un simple contremaître, un nom parmi d'autres dans le flot des salariés. « C'est que le prestige, disait Weber, n'existe jamais en soi. Il dépend du regard des autres, et cela montre à quel point la société, chez lui, chez Weber, est une architecture subtile, mouvante, contextuelle, faite de place, mais aussi de perception. » À Paris, Véronica Deschamps tapait ses lettres sous la lampe du soir. Elle vivait seule, indépendante, et était saluée dans son quartier comme une femme respectable, bien qu'elle n'ait pas de mari. Ça jasait un petit peu, mais les commérages s'effaçaient devant le prestige d'une femme qui savait bien lire et encore mieux écrire, ce qui, en 1912, vous en conviendrez, valait ascension sociale. Weber notait. Les nouvelles professions féminines forment des groupes de statuts émergents. Elles n'ont pas de fortune, mais elles gagnent en respect. Le prestige moral supplée la richesse économique. Et dans le miroir de son bureau, Véronica se disait en silence comme un signe des temps nouveaux bien ultérieurs. « Je n'ai pas besoin de mari. J'ai mon nom sur la porte et je gagne ma vie. » À Lille, Isabelle Naudin, modiste, épinglait un chapeau sous la lumière dorée. Ses clientes bourgeoises la saluaient avec chaleur. Son savoir-faire était sa noblesse. Elle n'avait pas de titre, mais elle avait du goût. Et c'est souvent plus efficace que l'hérédité. Weber me confia amusé. « Birdie, le prestige est une monnaie subtile. » Dans l'ordre social, un geste ou un savoir peut valoir un empire. Je pensais que c'était bien exagéré, mais je comprenais l'idée générale et en acceptais le sens. Mais ce monde social a ses portes. Les clientes bourgeoises d'Isabelle la saluaient avec chaleur sans pour autant l'inviter chez elle. Le respect, oui, mais jusqu'à la porte du salon. Et quand Xavier, le fils d'une de ses chaleureuses clientes, en vint à lui faire la cour, on se dépêcha dans les milieux de bonne famille de lui trouver, à ce galant mal avisé, un meilleur parti. Je compris alors ce que Weber voulait dire par « ordre social ». L'ordre économique classe les individus selon les chances de posséder un patrimoine, ou de percevoir un revenu, ou d'avoir une stabilité de l'emploi. Le prestige, lui, les classe selon ce qu'ils incarnent, et ces distinctions se ferment sur elles-mêmes. On se fréquente entre pairs, on se marie entre soi, on se protège du mélange. Les chances de vie interviennent, là aussi, mais différemment. Les groupes de statut déterminent les chances d'être respectés, d'intégrer certains cercles sociaux, de bénéficier de certains privilèges ou de certaines restrictions d'accès. Weber conclut d'un ton plus grave. « Birdie, les groupes de statut sont des forteresses invisibles. Ils maintiennent l'ordre sans avoir besoin de loi. Le prestige est un ciment solide de la hiérarchie humaine. » Et dans le salon de la marquise, au-dessus des tasses de porcelaine, je crus voir flotter cette vérité, que les sociétés ne se divisent pas seulement par la fortune ou la place dans le rapport de production cher à Marx, mais aussi par la reconnaissance, et que l'honneur, parfois, a plus de valeur que le capital. En quittant Paris et les salons de la marquise, un frisson me traversa comme si le monde que je croyais comprendre se dédoublait encore sous mes pas. J'avais exploré l'aile économique, découvert les soupentes sociales, suivi les escaliers où l'on grimpe sans fortune et ceux où l'on dégringole malgré elle. Et naïf comme un apprenti libéré trop tôt, je pensais avoir saisi l'architecture de la demeure weberienne. Weber, lui, avançait toujours devant moi avec la lenteur tranquille d'un Morpheus de la vieille Europe, ce guide qui ne force jamais la porte, mais vous montre simplement qu'elle était déjà ouverte. Il referma son carnet, leva vers moi ce regard qui annonce une vérité de plus et donc une chute de plus dans le réel, ou ce que je commençais à prendre pour le réel. Birdie, tu n'as vu que deux ailes de la demeure, il en reste une dernière, la plus bruyante, la plus âpre, celle où les hommes ne cherchent ni richesse ni prestige, mais du pouvoir. Je sentis soudain la présence de tribunes parlementaires, de journaux ancrés à chaud, de discours gravés dans la sueur. L'ordre économique classe les chances de posséder. L'ordre social classe les chances d'être estimé. Mais Weber me rappelait que demeure encore un troisième terrain, plus frontal, plus nerveux, où il ne s'agit ni d'or ni d'honneur, mais de la capacité d'imposer sa volonté au monde. Il tapota mon épaule comme pour vérifier que j'étais prêt à avaler la prochaine pilule rouge. « Birdie, il est temps de visiter la dernière aile, celle où naissent les partis, où se fabriquent les chefs, où l'autorité s'organise et où la légitimité se dispute syllabe après syllabe. L'ordre politique. » Je resserrai les sangles de mon long manteau car je pressentais que les vents allaient souffler plus fort. Et je le suivis vers cette troisième bâtisse du palais, la plus instable, la plus disputée peut-être, là où les positions ne s'héritent pas. Elles se conquièrent.